Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Bon, on va parler finalement de Marie Besson de Dolbeau-Missisley. Marie Besson qui a terminé au deuxième rang lors de l'Ontario Open qui se déroulait en Ontario, à Toronto, en fin de semaine dernière. Besson a perdu contre sa partenaire d'entraînement, Yoon Lee. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com, Marie Besson mentionnait qu'elle était quand même déçue de sa performance. Elle aurait aimé gagner étant donné que c'est au Canada. Les Galères de Jonquière ont remporté une belle victoire, le 33-30, lors du bol d'or qui se déroulait en fin de semaine. Et ils ont gagné contre le collège Saint-Lambert. Et en entrevue ce matin sur les ondes de danradiosport.com, François Laberge, qui est l'instructeur des Gaillards, mentionne que son équipe a tellement bien travaillé et c'était un match âprement disputé. Ben écoute, en tout cas, au moins le jeune sait qu'on est une organisation gagnante, là, peu importe ce que les gens autour de lui peuvent lui dire. Tu peux pas enlever que les Gaillards, on a eu 11 victoires, aucune défaite, on a gagné le bol d'or, donc on a les entraîneurs, on a la structure, on a le cégep amène les possibilités à une équipe gagnante. Donc nous, oui, on veut s'en servir pour recruter, pour montrer à tout le monde que les Gaillards du cégep de Jonquière, c'est une équipe qui a du succès. On est la seule équipe au Saint-Lac-Saint-Jean à avoir ramené le bol d'or dans la région aussi, là, trois fois. Donc je pense que là-dessus, nos preuves sont faites. Maintenant, c'est sûr, ça reste un choix scolaire le plus important là, pour moi-même. Même quand je vais recruter, je ne veux pas faire à croire à un jeune que faire sciences humaines puis aller en criminologie, c'est la même chose que faire une technique policière. Là, c'est pas mon cas. Faut vraiment orienter le jeune par rapport à ses études. Mais oui, on va être très agressif dans le recrutement. On a des bons joueurs à remplacer puis on a du terrain disponible pour l'année prochaine. Le Berge explique qu'est-ce que ça représente la victoire de son équipe au bol d'or. Important, c'est de prouver que parce que les deux premiers avaient été gagnés sans que Chicoutimi existe. Donc, c'était, dans ce temps-là, il y avait plus de facilité à recruter des joueurs. Les Gaillards jouaient à 55 joueurs. Puis, en fin de semaine, on a gagné le bol d'or avec 40 joueurs. Puis, la dernière édition du bol d'or avait 31 joueurs de ville de Saguenay. Puis, cette année, tu vois, j'en avais 5. Ce soir, au Centre Georges Vézina, il y a un match important. Les Étoiles russes affrontent les Étoiles de la Ligue de hockey junior du Québec. Les gens pourront voir Samuel Girard, Nicolas Roy. Et également le joueur russe German Woodsoff, qui est extrêmement courtisé par les Saguenayens de Chicoutimi. Je l'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, j'ai parlé avec François-Olivier Roberge de patinage de vitesse sur contre-piste. Je m'y suis également entretenu avec Sébastien Morin, descripteur des matchs des Saguenayens de Chicoutimi. Et un nouveau jeu vidéo est sur le marché, NBA 2K Sports. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.